au volant d'un corbillard et je doute que le moteur tienne. Protagoniste d'une histoire de Sutter Kane, j'essaye de devenir un homme altruiste. J'ai voulu construire ma ville, ne me reste qu'un amas de ruines. Rédacteur de textes immersifs, j'ai emprunté les sentiers sombres que seuls les solitaires suivent. Faites attention, ma rage est hors norme, la joie est d'être contacté le croque-mort. On se démerde avec ce qu'on a comme MacGyver. J'ai plus la notion du temps, des années que je passe un sale quart d'heure. L'enfer m'attend, je n'en ai nul doute. Aucun talent pour la peinture, ça ne m'empêche pas d'en remettre une couche. Sache que le deuil n'a fait qu'étayer ma folie. Je viens dégainer de la bonne rime, défrayer la chronique. Mon arrêt est pourvu d'artifice, je ne vis pas d'idylle. Je mate l'horizon, le regard livide. Je m'exprime souvent de façon blasée. Sam Beckett ne corrigera pas les erreurs de mon passé. En cas de chute, y'aura personne à ma rescousse. Je lècherai pas de cul pour une poignée de j'aime sur Facebook. Mes galères, je doute d'en voir venir le bout. On ne m'offrira qu'un nœud coulant pour tenir le coup. Laisse donc tourner la prod à manie. Que mon inspi fasse des siennes et que la mère tu me galvanise. Dans mon cortège funéraire, combien de fois tu consoles pour ma femme. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son top 10. Ça fait longtemps que je vois ce monde comme un immense merdier. Je suis passager de ce corbillard depuis que j'ai vu. Dans mon cortège funéraire, combien de fois tu consoles pour ma femme. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son top 10. Ça fait longtemps que je vois ce monde comme un immense merdier. Je suis passager de ce corbillard depuis que j'ai vu. On m'a parlé d'une bonne étoile, mais j'ai dû naître sous le mauvais drapeau. Et tu fais pas t'en fous du dermato pour sauver ta peau. La malchance a pris la main, j'attends la prochaine tonne. Des fois le destin te met la misère, demande à Paul Shelton. Chaos, même les pensées les plus frappantes m'habitent. En mille morceaux, comment recoller tous les fragments de ma vie. Au bout d'une chaîne, toi me traîner, ce malaise au pied. Je n'ai rien d'un vétéran, pourtant c'est clair qu'on m'a estropié. Ma vocation n'est pas de finir dans les pillages de briques. J'ai dû pousser telle une ortie dans ce paysage de briques. Pour t'en sortir, tu vois pas le genre de mission. Les blocs à l'horizon, limite le champ de vision. Seul au monde pour m'apaiser, je regarde l'orage tomber. Je suis pas tant manque, pourtant ma vie est un naufrage complet. Le désespoir n'a pas rempli que la moitié de ma page blanche. Y'a qu'à mon shit que je suis capable de montrer de l'attachement. Imagine pas que mes soucis remontent à dimanche dernier. Ça fait longtemps que je vois ce monde comme un immense merdier. Ni plus ni moins, je suis que le témoin d'une époque malsaine. C'est pas ma maudite plume qui pourra vendre du rêve aux demoiselles. J'ai beaucoup de mal à détendre mes zygomatiques. Je suis pas l'exemple à suivre, ma tendance est psychopathe. Je survivrai jusqu'à ce que la faucheuse me baisse une joue. Je suis passager de ce corbillard depuis que j'ai vu. Dans mon cortège funéraire, combien de fois tu consoles pour ma femme. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son top 10. Ça fait longtemps que je vois ce monde comme un immense merdier. Je suis passager de ce corbillard depuis que j'ai vu. Dans mon cortège funéraire, combien de fois tu consoles pour ma femme. J'ai ouï dire que la faucheuse m'attend son top 10. Ça fait longtemps que je vois ce monde comme un immense merdier. Je suis passager de ce corbillard depuis que j'ai vu le jour.